Merci d'écouter la première. Tout de suite, Histoire vivante. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Genève est la ville russe la plus grande de Suisse. C'est là où la communauté russe est la plus importante. Cette semaine, terre de promesses, terre d'exil. Les Suisses établis en Russie étaient environ 10 000 avant la Révolution. 8 000 d'entre eux ont pris la fuite entre le printemps et l'automne 1918, après la prise de pouvoir par les bolcheviks. Suisse, Russie et retour. L'arrivée de mon grand-père, donc le moment où il a quitté la Russie, c'est 1905, à l'époque des grands pogroms. Il était marié, il avait 3 enfants. C'était beaucoup trop risqué de rester là-bas. Elle nous a tous raconté cette enfance en Russie comme l'évocation d'un Eldorado, d'un monde perdu. Voulez-vous bien vous présenter aux auditeurs de la radio-télévision suisse, s'il vous plaît? Oui, bonjour. Je m'appelle Michel Slatkin. Je suis né en 1933 à Genève d'un père russe ayant quitté la Russie et d'une mère genevoise qui était la sœur de Squibs, le grand reporter à la radio romande. Un heading, voilà, tenez bien les pouces, mes petits gars, bravo! Et voici la fin de la première mi-temps. Pourriez-vous nous parler de cette famille, justement, de votre famille? Parce que c'est une histoire assez ample. Vous voulez que je vous parle de la famille paternelle ou maternelle? Parce que je viens d'évoquer ma mère, alors je ne sais pas si vous voulez que j'enchaîne avec elle ou relativement brièvement, puisque je crois que ce sont les Russes qui vous intéressent. Or, ma mère provient d'une famille protestante implantée depuis le XVIIe siècle à Genève, les Suesses du commun, notamment les fondateurs de la fabrique Bailly. Et ma mère était fille de l'oculiste Suesse et la sœur donc de Marcel Suesse, l'avocat, qui a été un des premiers grands reporters qui a fait vibrer tous les Suisses. Notamment à l'occasion des courses de vélo, à l'époque où les cols suisses étaient encore non goudronnés avec des petits cailloux, et à la grande, grande époque du hockey suisse avec les fameuses ligues grisonnes. Et je me rappelle toujours, c'était dans mon enfance, lorsqu'il criait « pique à l'poc », et c'était très amusant de l'entendre parce qu'il avait un enthousiasme extraordinaire. Alors mon père, je pense, c'est le côté russe de la famille, donc je ne peux pas remonter très haut dans cette famille, sinon à mon grand-père, bien entendu, que j'ai connu, puisque c'est lui qui a quitté avec mon père la Russie en 1905. Par contre, je sais que le père de mon grand-père était rabbin. Il y a un livre que nous sommes en train de traduire, que mon grand-père a écrit, qui parle des souvenirs d'un rabbin lituanien. Et je pense que ça ne peut pas être le père de mon grand-père, puisqu'il place ces scènes à la fin du XVIIIe siècle. Donc il est possible que ce soit au fond 3 générations avant lui. Ce livre sortira, s'appelle donc du nom de mon grand-père, Menahem Bendel Slatkin, et il fait le récit d'une petite communauté juive dans la ville de Minsk vers 1788-1789, donc avant la Révolution française, en décrivant ce qu'était cette communauté en Russie. Je pense qu'il faut après sauter 2 générations, arriver donc au père de mon grand-père, qui lui était rabbin, mais je ne sais pas où, probablement à Rostov, puisque mon grand-père est originaire de Rostov sur le Don, et mon grand-père donc est né aux alentours des années 1860-70. Je ne peux pas vous préciser exactement, parce qu'au fond il ne savait pas lui-même, me disait-il, sa date de naissance, mais il est mort nonagénaire en 1964, donc vous voyez, ça devait être vers les années 70 en Russie. De mon grand-père, je sais un certain nombre de choses, mais hélas très peu, étant donné qu'il est mort en 64, je suis né en 33, j'avais donc 31 ans. Durant mon enfance, mon grand-père ne m'intéressait hélas pas du tout, et je vous dirai pourquoi je dis hélas, parce qu'il y a vraiment une raison à le dire. Et d'autre part, dans les dernières années, j'ai été au fond très occupé et je n'ai eu des conversations sporadiques avec lui. Alors je vais vous dire ce que je sais de lui. Il a donc commencé pour vouloir faire des études pour devenir rabbin en Lituanie. Je sais qu'il a été à une yeshiva en Lituanie, donc il y a bien un lien avec le livre dont je vous parlais. Puis ses parents sont morts quand il avait 17 ou 18 ans, il y avait une fratrie, il a donc dû rentrer, il a dû abandonner ses études. Il m'a dit qu'il les avait abandonnées sans regret parce qu'au fond, il n'avait pas la foi pour devenir rabbin. Et par conséquent, il s'est lancé dans différents petits métiers pour pouvoir vivre et faire vivre ses frères et ses sœurs. Alors ces petits métiers, je les connais mal, mais il paraît qu'il a fait des métiers manuels jusqu'à ce qu'il ait l'idée de créer une assurance pour les transports, c'est-à-dire une assurance maritime d'une part et ferroviaire d'autre part. Au fond, il assurait, je pense bien avant la lettre, puisqu'on a eu des grands assureurs à Genève sur les transports, mais cette affaire a très bien marché. Il a non seulement bien gagné sa vie, mais qu'il s'est constitué une assez jolie fortune, puisque en quittant la Russie en 1905, face au pogrom, c'est la raison pour laquelle, au fond, il l'a quitté, et la raison pour laquelle vous me trouvez en face de vous à Genève. Il a quitté donc la Russie car les Juifs étaient extrêmement maltraités. Les descentes de Cosaques qui violaient les femmes, qui pillaient les affaires, qui tuaient à la limite, et il a décidé en 1905 de partir. Il s'est arrêté donc d'abord à Berlin, puis de Berlin il a quitté, heureusement encore, pour venir s'établir à Genève. Et pendant la guerre de 14-18, alors qu'il avait quitté la Russie avec une confortable fortune, on m'a toujours parlé, mais je ne m'imagine pas de ce que ça ressemble en réalité, on m'a parlé d'une somme d'1 million de roubles en or, ça doit être une somme considérable. Cette somme était entièrement investie en obligations et en actions russes, et pendant la guerre de 14-18, tout ça est non seulement tombé, mais comme il avait un portefeuille, il avait emprunté à des banques quelques dizaines de milliers de francs pour pouvoir vivre, et en 18, la banque non seulement n'a plus voulu prêter, puisqu'il n'y avait plus rien en contrepartie, mais a même exigé relativement rapidement le remboursement de ces 50 000 francs qu'il avait empruntés, et au fond, il s'est trouvé dans, il faut le dire, la misère en 1918 avec une femme et 3 fils. Et mon père m'a toujours raconté qu'il avait commencé à aider son père, donc mon grand-père, pour trouver les 5 francs nécessaires par jour pour vivre avec une famille de 5 personnes. Et en fait, l'origine de la librairie, c'est mon grand-père qui a décidé de vendre sa propre bibliothèque pour essayer de se faire de l'argent. Comme c'était un homme très érudit, qui connaissait un grand nombre de dialectes moyen-orientaux, il avait une très belle bibliothèque de documentation, pas une bibliothèque de bibliophile, mais de documentation, et il a commencé à la vendre pour pouvoir vivre. Et en fait, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, la vie de la famille Slatkine a été difficile au niveau économique. Par contre, elle a dû être extrêmement riche au niveau intellectuel, puisque, et là, je reviens à mon hélas du début de votre question, mon grand-père a eu la chance extraordinaire de pouvoir converser à de très nombreuses reprises avec Lénine, alors que Lénine était à Genève. Non seulement il a conversé avec lui, mais Lénine lui avait fait cadeau d'un exemplaire de la Deuxième Internationale avec des annotations manuscrites de sa propre main. Donc il devait avoir des discussions tout à fait passionnantes, et de tout ça, je n'en ai jamais parlé avec lui, et je m'en veux terriblement, puisqu'au fond, il a été pour moi à la charnière de deux mondes, de ce monde des Juifs de Russie, de tous les pays slaves qui se sont établis ici. Il a au fond côtoyé le fondateur de la révolution bolchévique, et en fait leur conversation devait être tout à fait passionnante. Autre sujet encore de se réjouir, c'est que ils sont arrivés en même temps que Davidoff. Et mon père m'a longuement raconté que pour aussi gagner quelques sous, il allait chez son copain Davidoff pour rouler les premières cigarettes que Davidoff vendait à Genève. Et ensuite, évidemment, il a pris goût aux cigares. Et l'image de mon père, c'est un homme qui avait toujours un gros cigare, un gros Havane à la bouche jusqu'au dernier jour de sa mort, où il est mort d'une opération qui n'a pas réussi et où je pense que l'intubation qu'il avait dû pour être opéré m'a fait que les dernières paroles qu'il m'a dites, c'était « Peux-tu me sortir ce cigare de la bouche ?» Donc vous voyez que le cigare a vraiment joué dans la vie de mon père un très grand rôle. Pour revenir à cette somme de livres extrêmement importante accumulée par votre grand-père, la plupart du temps, pour ce que vous en savez, il est passé par quel type d'acquisition ? L'achat, tout simplement ? Alors, il y a donc deux origines. La première origine de la librairie, c'est sa propre bibliothèque, comme je viens de vous le dire. De quoi se composait-elle ? Je suis incapable de vous le dire. Ça se passait donc, à mon avis, dans les années 1920. Moi, je suis né 13 ans après. Tout ce que je sais, c'est que ce sont ces livres qui ont fait l'objet des premiers livres qui ont été exposés dans les rayons de la librairie à la rue des Chaudronniers, où la librairie a fonctionné sans discontinuer de 1918 à aujourd'hui, puisqu'on fête le centenaire de la librairie Slatkine. Puis après, écoutez, il a fait ce que font tous les libraires en herbe, c'est-à-dire qu'il a commencé à acheter des livres, il connaissait notamment les langues moyen-orientales, comme je vous l'ai dit, il parlait le russe, il parlait l'hébreu, par conséquent, il a pu certainement avoir accès à des bibliothèques que d'autres libraires ne pouvaient maîtriser, puisque c'était des langues étrangères, et il a acheté aussi bien chez des particuliers que dans des bibliothèques suisses notamment, qui à l'époque vendaient leurs doublets, alors qu'aujourd'hui les doublets des bibliothèques ne sont en principe même pas mis en vente. Le contenu de cette librairie, quel est-il ? Puisque il est important, dans ce que vous dites, de rappeler qu'il est d'abord essentiellement tourné vers l'érudition. Oui. Est-ce qu'on peut avoir une précision des étagères, en quelque sorte ? Ça m'est difficile de vous le dire, puisque, encore une fois, je n'y étais pas. Par contre, j'ai conservé, et je conserve toujours, la bibliothèque telle qu'elle était à la mort de mon grand-père. Elle consiste environ en un millier de volumes, mais ce sont des volumes qui sont soit en russe, soit en hébreu, langue que je ne parle pas. J'ai appris l'hébreu quand j'étais jeune, mais je l'ai complètement perdu. Le russe, je ne l'ai malheureusement jamais appris. Par conséquent, je ne suis pas capable de vous dire ce qu'étaient ces livres. Ce que je suis capable de vous dire, c'est que la philosophie l'intéressait beaucoup, que très probablement les coutumes juives de l'époque devaient l'intéresser, puisqu'il en parle dans le livre dont je vous ai entretenu au début de cet entretien, et probablement la philosophie devait être pour lui une de ses plus grandes préoccupations. Comme celui que vous vous apprêtez à éditer, c'est évidemment plonger de manière indirecte dans votre propre histoire, dans l'histoire justement, comme vous l'indiquez, Michel Slatkine, de coutume. Qu'est-ce que vous avez pu découvrir à cette occasion-là ? Comment ces gens vivaient-ils ? Ça a été une très grande découverte pour moi que ce volume. En réalité, ce volume a été publié en hébreu dans les années 50. Ce livre, j'en ai entendu parler par mon père, Je l'ai vu, j'en ai encore toujours des exemplaires de l'époque, mais naturellement je ne savais pas ce que c'était. Et c'est ma cousine, la pianiste Muriel Slatkin, qui a eu l'idée et l'envie de faire traduire ce livre dont on ne savait simplement qu'ils étaient les souvenirs d'un rabbin de Lituanie. Et nous pensions, et nous ne sommes pas certains aujourd'hui de la réalité de ce que je vais vous dire, que ce livre au fond était une évocation biographique de la vie de son père à lui. Mais alors, pourquoi l'a-t-il situé 100 ans avant la réalité de la vie de son père à lui ? Il parle dans l'introduction d'un manuscrit trouvé, mais je pense que c'est un artifice littéraire, je ne vois pas comment ce manuscrit aurait pu lui parvenir, mais je ne sais pas encore une fois. Et alors, il fait découvrir cette vie d'une petite communauté juive à la fin du XVIIIe siècle, avec des coutumes qui sont tout à fait, pour moi, extraordinaires. Ce livre est bourré d'anecdotes qui sont à la fois passionnantes et pour nous, évidemment, risibles, mais je vous en cite une qui m'a beaucoup frappé. Donc le rabbin, à cette époque-là, est au fond le véritable représentant de Dieu auprès de sa communauté. Mais c'est loin d'être un rabbin tel que le pape est aujourd'hui. C'est un homme, au fond, qui est à la fois un juge, un conducteur d'âme, un confesseur, un ami. Et c'est lui qui prend, au fond, toutes les décisions morales qui importent à l'individu. Et l'anecdote dont je veux rapidement vous parler, qui me semble assez amusante et très significative, c'est que les Juifs, à cette époque-là, étaient persuadés que Dieu châtiait les mauvaises manières que chacun d'entre eux pouvait avoir. Donc, lorsqu'il arrivait un malheur à quelqu'un, il allait en parler au rabbin pour lui demander pourquoi il avait subi ce malheur. Et alors l'anecdote est tellement typique, c'est un jour arrive chez le rabbin un homme sur un brancard et avec une jambe cassée dans une attelle. Et le rabbin lui dit, mais mon pauvre Jacob, qu'est-ce qui t'est arrivé? Et Jacob lui dit, bah écoute, j'aimerais bien le savoir parce que voilà ce qui s'est passé, j'avais envie de faire l'amour avec ma femme. Et comme tu le sais, dans les lois juives, il faut que la pièce soit vide de tout être vivant. Personne ne doit assister, au fond, à l'acte d'amour. Par conséquent, j'ai préparé la chambre dans laquelle j'avais envie de me réunir avec ma femme et j'ai vu qu'il y avait 3 mouches. Donc on ne peut pas laisser 3 mouches dans la pièce. Par conséquent, j'ai ouvert la fenêtre, 2 mouches se sont envolées, mais la troisième est restée. Elle s'est collée au plafond et je ne savais pas comment faire pour la faire partir parce que tant qu'elle était là, il était tout à fait hors de question d'avoir un rapport amoureux avec ma femme. Par conséquent, je suis monté sur la table, j'ai pris une tapette et j'ai tapé contre la mouche, mais en faisant un mouvement brusque, le pied de la table s'est cassé, je suis tombé et je me suis cassé la jambe. Alors voilà, je viens de voir qu'ai-je fait de mal pour que Dieu me punisse dans mon malheur. Et c'est très frappant parce qu'aujourd'hui, cette notion de culpabilité par rapport à un événement banal de se casser la jambe ne viendrait à l'esprit de personne. Et tout le livre contient des dizaines d'anecdotes de ce style-là qui montrent quelle était la vie à cette époque d'une communauté juive. Vivre au milieu des livres, grandir au milieu des livres. Pour vous, ça n'a pas été un chemin direct. Vous êtes d'abord parti vers les études, même si ces études comportaient quand même un intérêt sur le livre. Mais à proprement parler, vivre du livre, ça ne faisait pas partie de vos premiers objectifs. Pas du tout. Je dois vous avouer que j'ai fait mes études comme tout jeune homme fait ses études. Et puis mon père, une fois ma maturité passée, mon service militaire accompli, mon père m'a dit, écoute, tu vas quitter la maison parce que tu vas pas rester dans les jupes de ta mère trop longtemps. J'ai des amis à Paris, tu vas aller passer une licence en lettres à Paris. pour moi, pourquoi pas. Je n'ai jamais eu de vocation à proprement parler. Donc, je suis parti à Paris. J'avais un grand complexe en tant que petit Suisse d'aller me frotter avec les Français qui parlaient beaucoup les mieux cadors. Français que nous. Oui, tout à fait. J'avais un professeur de grec qui nous disait toujours, vous savez, le concierge le plus courant que vous allez trouver à Annemasse parle 10 fois mieux que vous. Alors, on était déjà avertis. Et j'ai été très surpris de voir qu'en définitive, oui, les Français parlaient ou parlent beaucoup mieux que je ne parle moi-même, mais d'une certaine manière, au niveau de des études proprement dites, j'ai vu que les études suisses étaient parfaitement en accord, voire même en avance sur les études françaises. J'ai été très surpris à la Sorbonne, où j'avais pris comme licence le grec, de voir que les Français, lorsqu'ils avaient des traductions à faire, employaient un dictionnaire, alors que nous, en Suisse, nous n'avions pas le droit d'avoir de dictionnaire, nous avions acquis un vocabulaire de base qui nous permettait, pour les bons élèves, de parcourir un texte, et par conséquent, je finissais toujours beaucoup plus rapidement que les autres, et au fond, je m'en suis très très bien tiré, et je suis donc rentré avec une licence en lettres de la Sorbonne en 1955, et que faire ? Ben, une licence en lettres n'amène pas à grand-chose, sinon au journalisme. J'ai même jamais eu envie de devenir journaliste ou professeur. Je me suis risqué à donner un ou deux cours de remplacement, puisque j'en avais les qualités au collège ou à l'école primaire. Je crois que c'était au collège de Genève. Et ça a été enfin une catastrophe, parce que d'abord, je ne suis pas un homme autoritaire. Et les situations me semblent plutôt en général comiques que tragiques. Par conséquent, le chahut s'est très vite installé dans les classes. Et au bout de 3 ou 4 fois, j'ai renoncé. Et là, mon père m'a dit, écoute, viens m'aider. Voilà l'origine de ma propre activité. J'entre donc dans une librairie qui est une librairie de documentation et non pas de bibliophilie. C'est une époque où les documents sont extrêmement importants. Les médias, il n'y a que la radio, il n'y a rien, pas de télévision, on ne parle pas d'Internet, on ne parle pas de toutes les activités modernes, et par conséquent, si par exemple vous vouliez donner une édition critique de Madame Bovary, vous étiez obligé d'aller en bibliothèque pour travailler, pour commenter le texte, ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Et donc, j'ai commencé à m'occuper de livres, et notamment, comme nous connaissions bien Eugénie Hydrault, qui était la grande libraire et la grande éditrice du XVIe siècle à Genève, elle m'a proposé de faire un stage chez elle, ce que j'ai fait. J'ai beaucoup appris de sa manière de faire, et à un moment donné, elle m'a dit, écoutez Michel, j'ai trop à faire, je suis éditrice d'une part et libraire ancien de l'autre, est-ce que vous voulez racheter mon fonds ? Et son fonds était essentiellement lié à la philologie romane, donc à l'étude des lettres romanes, de la langue romane. J'ai racheté ce fonds d'Eugénie Hydrault, qui avait acheté beaucoup de belles bibliothèques, et j'ai développé entre les années 52 et les années 90 une spécialisation en publiant à peu près 100 de catalogues qui, à l'époque, étaient très très recherchés. Nous avions des commandes par télégramme, par téléphone, du monde entier, dans un domaine que j'ai bien connu et qui m'a permis, lui, d'entrer et d'accéder à une nouveauté, c'est-à-dire ce qu'on appelle la réimpression. Je voudrais conclure cette première journée. On vous retrouvera demain, Michel Slatkin, à la librairie de Genève. Mais je voudrais conclure cette première journée pour revenir à l'honnêteté de votre grand-père. Il y a une anecdote qui, si je ne me trompe pas, a quelques rapports avec un ouvrage signé Galilée. Tout à fait, vous avez raison, on en avait parlé ensemble. Le caractère de mon grand-père était vraiment un caractère, je dirais plus qu'honnête, d'une pureté extraordinaire. Que s'est-il passé ? Il s'est passé que dans la période que je n'ai pas connue, donc entre 1920 et 1950, lors d'un achat dans une bibliothèque en Suisse allemande, le directeur a fait venir mon grand-père et mon père, les a fait monter dans un grenier, je vous parle de souvenirs qu'on m'a rapportés, je n'y étais pas, et dans ce grenier, il y avait 100 sacs de jute, ces sacs dans lesquels on mettait à l'époque les pommes de terre. Je ne sais pas si ça vous dit toujours quelque chose. Tout à fait. Oui, parce qu'au fond, à l'heure actuelle, je ne vois plus jamais plus. Oui, enfin, ça doit exister encore. Et effaré devant le nombre, chaque sac devait contenir certainement une cinquantaine de volumes. Et mon grand-père ou mon père dit « Oui, mais écoutez, qu'est-ce que vous voulez de ça ?» Et le directeur dit « Écoutez, c'est des doublets qui nous encombrent. Est-ce que 2000 francs vous iraient ?» C'était beaucoup, 2000 francs à l'époque, c'est pas 2000 francs d'aujourd'hui. Et pour mon père et mon grand-père, ça a quand même été relativement difficile, mais ils se sont dit, on va pas passer 10 jours à regarder, on prend le risque, on achète les 100 sacs de jute. Donc ils les ont achetés, ils les ont payés, comment, je ne sais pas. Et ces livres sont arrivés à Genève. Ils ont été triés et il s'est trouvé que dans ces probablement 5000 volumes, se trouvait, c'est curieux, l'édition originale de Galilée, le Desidereus Nuncis, qui est donc le livre dans lequel Galilée annonce que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil et pas le Soleil autour de la Terre. C'est un livre fondamental Précède les années de prison. Oui, absolument, absolument. Et qui, d'autre part, pour les bibliophiles à l'heure actuelle, est une rareté. C'est moins rare que la Bible de Gutenberg, mais c'est rare quand même. Et ce livre, mon père, par intuition, je ne sais pas, ou par connaissance, l'a gardé. Le reste des volumes a été vendu, probablement qu'ils ont fait une affaire qui était correcte. J'en sais strictement rien. Toujours est-il que en 1955, un des grands libraires américains qui écumait l'Europe pour leurs clients américains, à une époque où le dollar valait 4 francs 30 suisses, c'était l'époque où j'ai connu le dollar, a demandé à mon père s'il n'avait pas par hasard un livre vraiment rare et important. Et mon père lui dit, bah, écoutez, oui, j'en ai un. Et il lui a montré, c'est un tout petit livre, Galilée. D'abord, il est en latin, évidemment, et pas en français. Deuxièmement, c'est un petit volume, un petit peu plus grand qu'un livre de poche à l'heure actuelle, mais qui comporte à peu près 80 pages. Je vous le dis parce que je l'ai vu, ce livre. Et mon père a dit, bah, écoutez, qu'est-ce que vous m'offrez pour ce livre? Et ce libraire s'appelait Krauss, c'était le plus grand libraire américain à leur époque, lui dit, bah, écoutez, je vous en offre 100 000 dollars. 100 000 dollars, c'était 430 000 francs à l'époque, c'était une somme considérable. Mon père, naturellement, a vendu le livre, et quand il a annoncé à mon grand-père le chiffre qu'il avait tiré de ce livre, mon grand-père le dit, tu es l'homme le plus malhonnête que je connaisse. Demain, vous nous accueillerez dans la librairie à Genève. Rappelez-nous l'adresse d'ailleurs de cette célèbre librairie, parce qu'il faut s'y rendre toujours. Il y a un café maintenant. Alors cette librairie, donc, comme je vous l'ai dit, a été ouverte au public en 1918. Vous seriez venu 3 ans avant, mais vous êtes là pour les Russes et je pense un peu pour le centenaire de la librairie. En 2015, j'ai fermé la librairie. D'une part, j'avais à cette époque-là 82 ans. Ça commençait à être difficile pour moi d'être 8 heures par jour dans le magasin. Et d'autre part, et ça j'en parlerai aussi volontiers si vous le voulez, le commerce du livre a complètement changé. Le document à l'heure actuelle n'a absolument plus aucune valeur. Vous pouvez avoir les plus beaux livres documentaires et ça se comprend. L'encyclopédie britannique que tout le monde recherchait, à l'heure actuelle, vous faites un clic sur votre smartphone et vous avez tous les articles. Donc la librairie était devenue une sorte de désert, et par conséquent, couplé avec l'âge, et ma compagne était âgée aussi à ce moment-là, nous avons décidé de fermer. Par contre, mes fils ont repris le local de la librairie, dont j'en suis très heureux, qui existe toujours, et en ont fait un café littéraire. Donc, on a passé sur un mode de fréquentation nettement supérieur, mais tout en conservant un aspect littéraire que j'aimerais encore pouvoir un peu développer si j'en ai les forces. On s'y retrouvera demain, merci.